Radio Duo. No more danger. Move to the center. Shipwreck, and up a den chep. If I run from the evil bride and the gent them, I don't wanna make a min pen sense them. Wanna who, wanna what, make a tell it on them. Them people they be 419, 2-1 time, for a long, long time. Giddy diddy, they'll run your mind. They go shock your life, they go make you go cry. Star, star, star, now what here? My body they hear, my body they fear. No control, no one there, no one care. No one messing over here. Over here, no be there, no dolly. No one in on gang grossy. Doom, doom, some man, them a body. We don't need dropping. Il a des origines caribéennes, mais on le considère comme un petit parigot. Dans les années 90, il séjourne un bon moment en Angleterre et en tire un goût certain pour le trip-hop et le hip-hop. Mais depuis, il s'est installé à Marseille, et puis encore après, il fait même des allers-retours avec les Antilles. Et c'est David Walters, Soul Tropical. Dansez ensemble, Tropico, et nous sommes en 2023. Ma pale tan la vie yo. Ma pa sou person nan le kamwen. Men man sav kote man le rive. Man se an sol tropiko. Tellement les rivets, on s'en côté malé, côté malé rivets, on s'en côté malé. C'est les jeudis soirs de Radio Dio. La nuit des temps, Radio Dio. Aujourd'hui, 78 ans, c'est elle qui interprétait le hit disco Don't Leave Me This Way. C'est Thelma Houston et nous sommes en 1978. Saturday night, Sunday morning. Shine, shine, ooh, ooh, nuit des temps, l'international de la danse. Nous sommes à Margate, c'est à une centaine de kilomètres à l'est de Londres. Voici le quintet Pigeon, Ikanabore, et ses sons inspirés tout droit de la Guinée. She can move, she can dance, on her high heels. She can dance, she can move, she can dance, on her high heels. She can dance. Le 9 mai 1985 sort You Spin Me Round des Dead or Alive. Ils ont une dégaine assez phénoménale et on ne compte pas le nombre de reprises de ce titre aux accents très eurodance. Par exemple en 2009, avec Florida et Kesha qui vrillent le son vers un vernis hip-hop rose métallisé qui énervera sans doute les puristes en tout genre. Mais de quoi nous réjouir en ce qui nous concerne, donc au premier degré s'il vous plaît, et danser toute la nuit. Voici Ride Round. My swagger, hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And pop in the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' and spotting a Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the flowers. Girl, you the truth with all that goodie power. Spin my head right round when you go down, when you go down now.

Nuit des temps, Radio Duo. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scenes. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the life. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Ce sont deux frangins qui sont nés en Colombie, mais ils vivent en Espagne. Ce sont des anges et des démons. C'est le parfait mélange de rock progressif, de groove, de flamenco, de dance et des Gypsy Kings. Nous sommes en 1974. Elkin et Nelson dansent le jibaro. Et c'est de la bombe latino. Jibaro. We'll be right back. Elkin et Nelson. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est comme un show à Las Vegas. C'est sans fin, c'est les paillettes. I do. Yeah. No way to keep. only to have fun with the mind, but also to test one's ability for ESP. Explain to people what kind of music we do, and that we deal in the field of bluesology. So we'd like to take you into a song. C'est un album soul aux yeux bleus, At Love. Mais attention, Love, c'est L-A-U-V-E, car c'est de la dance qui nous vient de Norvège. Nous sommes quelque part en 1979. Oh, C'est un vieux rêve d'enfant devenu réalité, déclare Atlove. Car, bah oui, à la fin des années 70, c'est encore un jeune gars lorsqu'il compose du disco et du boogie dans sa chambre. Et il met tout son argent de poche pour jouer de la musique. Et nous sommes à Sandefjord. C'est en Norvège. Love n'aura pas eu de bol dans sa vie de musicien. Bah oui, son rêve d'une carrière professionnelle s'envole lorsque sa maison de disques le signe. C'est étrange, mais c'est sa drôle d'histoire, car si son album est bien préenregistré, les masters disparaîtront lors d'un changement d'équipe dans le label. Et c'est la triste aventure d'Atlove qui devra patienter jusqu'en 2017 pour que ses démos soient enfin diffusées. Mais nous, on va rester dans le disco cool. Et cette fois, en 2022. Voici Tonarunur. Il est signé chez Paper Recordings. Et nous sommes à Manchester. La nuit des temps, l'international de la danse. head hurts, we need less words. You've been talking too much. You've been talking too much. No, you've been talking for months. Is it always from love? Oh. And it all comes down to this. C'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Et on les ferme de belle manière. C'est-à-dire, ce soir, on les ferme nice, nice and slow. Nice and slow, notre mantra de ce soir. Et avec sur le dance floor, l'air de rien, du beau monde et de la dance venue parfois de très très très très loin. Il y avait par exemple Willy Deville en powerplay cette semaine, avec tout son punk latino qui nous a tant réjouis dans les années 70, 80 et 90. On a également reçu Onipa et Moonchild Sanelli pour nous signifier qu'il y a danger, danger, danger, dangerous quoi. David Walters également et sa soul tropical. Il y avait aussi Thelma Houston qui aimait tant sortir le samedi soir pour se sentir à merveille le dimanche matin avec le petit déj au lit. On a également croisé le quintet Pigeon à quelques encablures de Londres. Il y avait également Florida et Kesha, ces chichis que vous commencez à connaître si vous écoutez La Nuit des Temps et qui tournent en boucle sur nos platines. Et puis tiens, ce truc, ça nous a fait plaisir de réécouter Corner Shop, qu'on avait oublié depuis 1997. Le disco flamboyant, comme tout droit sorti d'un show de Las Vegas de Elkin & Nelson. Et comme nous étions fermés la semaine dernière, on a bien chargé la charrette cette semaine, aussi avec Chance, puis le Norvégien At Love. Il y avait également Tonarunur, et puis A Trip. Bon, et puis comme vous nous avez manqué la semaine dernière, et comme nous n'avons pas de voisins ce soir après 22h sur Radio Duo, on va prolonger en loose day discrètement le plaisir avec un vieux standard de Double qui va nous inviter doucement à traverser la nuit. Double qui aura largement pompé quelques notes de Duke Ellington, alors quoi ? Ben, on résiste pas. On mettra Duke après. Ce seront nos bonus de ce soir. Et en plus, Duke Ellington sera joué par, figurez-vous, Thelonious Monk. Et puis avec Thelonious Monk, ben, impossible de ne pas entendre son invitation à lever le nez vers les étoiles. Alors oui, on regarde le ciel de Saint-Étienne et toutes nos petites copines qui scintillent et qui dansent. Et qui nous disent aujourd'hui c'est le printemps. Vous êtes sur Radio Duo, c'était la nuit des temps. Buona notte, à la semaine prochaine, salut! La nuit des temps, Radio Duo. dance it right. Woman of the world is what you love to play. Introducing me as lover of the day. I love it.